que j'ai dans le ventre, jusqu'où je suis prêt à aller. Combien de fois le prix je l'ai payé? Tu connaîtrais l'odeur du sang, tu saurais quand on souffre ce qu'on ressent. Tu comprendrais qu'il ne suffit pas d'être fort, qu'il faut plus que ça pour renverser le diable et ses forts. Tu comprendrais que les anges ne meurent pas quand tu prends un démon, même si on est expert en karatéka. Tu connaîtrais l'origine des mondes, tu saurais pourquoi Noé s'en est sorti et pas son monde. Tu comprendrais comment Dieu réfléchit, tu comprendrais pourquoi devant lui mon genou fléchit. Tu saurais qui il est et combien tu peux compter sur lui. Tu serais paisible près de lui, mais tu préfères te tenir loin de lui. Dans ta folie tu t'imagines que dans les ténèbres y'a une lumière qui nuit. Mon frère t'es fini, chaque minute qui s'écoule consume ta vie. Monday, si tu veux t'en sortir, suis le chemin, la vérité, la vie. Il est le seul qui a Dieu conduit. Il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin. Les voies de l'autre là ne conduisent pas toutes dans le paradis, gamin. Ce n'est qu'une illusion, mais si tu te rapproches, c'est coup dur des illusions. Ma vie c'est comme ça que je la vois, poussée par lui et voir sa main diriger mes pas. Me soucier de rien, avoir en lui la foi, plutôt rire que d'avoir les fois. Ma vie, c'est comme ça que je la vois, poussée par lui et voir sa main diriger mes pas. Me soucier de rien, avoir en lui la foi, la rage au ventre. Yeah. Ça fait pas mal de temps qu'on dit qu'on a la rage au ventre, soit l'exprimer. Ce qui est au fond de nos tripes, le truc, quand j'y pense, je m'aperçois. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi, c'est bien plus que ça. Je suis plus un Bruce Lee, dans la fureur de vaincre. Changer de route, non, personne ne peut me convaincre. J'avance convaincu, loin d'être indécis. Jésus m'a vu dans un panard auquel chaque jour je m'initie. En moi pour le feu d'Adonai, yeah. J'avance au nom d'El Shaddai, yeah. Et même si je dois y passer, c'est vrai. Tu sais, je m'y prépare, mon départ, partir comme tu le sais. Cette soif de vrai qui m'anime et me pousse sans cesse à garder les bras levés même si parfois se dresse devant nous des forteresses incrédules qu'on traite avec rudesse. Aïe, nous courons vers le but pour remporter le prix dans notre élan poussé par l'esprit. Je t'assure de quoi te bousiller une mêlée. Ce qu'on confesse on l'assume avec robustesse. Ma vie c'est comme ça que je la vois, poussée par lui et voir sa main diriger mes pas. Me soucier de rien, avoir en lui la foi, plutôt rire que d'avoir les fois. Ma vie, c'est comme ça que je la vois, poussée par lui et voir sa main diriger mes pas. Me soucier de rien, avoir en lui la foi, la rage au ventre, la rage au ventre.